Page 130. Activité 2. Piste 116. Aujourd'hui, les écoliers et les transports. Bonjour Xavier, comment tu vas à l'école? Bonjour, ma mère m'amène à l'école en voiture. Parfois, on prend le bus. Et toi Romane? Moi, je vais à l'école en scooter, avec mon père. Parfois, j'y vais à pied. Merci à vous deux.